Ta chronique du club de golf de Dolbeau, Mississinie, avec notre ami Daniel Fortin. Salut Daniel! Salut, quelle journée superbe à Dolbeau, Mississinie. C'est vraiment le fun. C'est du beau golf pratiquement d'automne. Est-ce qu'il y a plus de réservations, Daniel? Écoutez, le beau temps, c'est sûr, attire encore une bonne clientèle cet ainsi. Après ça, on espère que la température va continuer jusqu'au moins jusqu'à la fête du travail. C'est un gros fin de semaine pour nous, là. Donc, les golfeurs, venez nous voir à terrain dans superbe condition. Les températures sont enfin OK. Parce que souvent, ça peut. Un beau mois de novembre pourrait quand même faire ça. Je me rappelle, il y a quelques années, le mois de novembre avait sauvé l'année. Là. Donc, on annonce du beau temps pour tout le mois de novembre. Là. Pas septembre, c'est-à-dire, excusez-moi. Oui, septembre, puis octobre aussi, là. Donc, en espérant que ça va continuer dans ce sens-là. Parlons maintenant du championnat du club la semaine passée. Comment ça a été? Ben, ça a très bien été. Je pense qu'il y a une soixantaine de participants qui sont présentés pour l'événement. Sur deux jours de compétition. Donc, le samedi, c'était température moyenne, mais le dimanche, c'était extrêmement beau. Donc, les conditions de jeu étaient plaisantes. Donc, C'était un bon moment. OK. Donc, on va y aller avec les résultats maintenant. J'ai les actuellement. Du côté du 2A, c'est Martin Lemieux qui a remporté la victoire avec un pointage de 145. Classe A, Jean-Guy avec 158. Classe 2B, Dominique Caouette avec 159. Et en classe B, Mario Murray avec 182. Et chez les femmes, ben Jacqueline Marceau, 160. Ruth Bouchard, c'est une bonne joueuse, ça, Daniel, Ruth Bouchard, hein? 170. Oui. Ensuite de ça, on a Joanne Boisselot avec 194 et Mélanie Quentin en classe B avec un pointage de 166. Oui, on revient à Ruth Bouchard. C'est quand même une bonne joueuse, Daniel? Oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'en vient au cours de la fin de semaine? À fin de semaine, donc, on n'a pas d'événement comme tel en fin de semaine. Le prochain événement par lui, ça va être l'Omnium Jean Lemieux le 12 septembre. Okay. Donc, c'est un tournoi qui devrait regrouper probablement, si je ne m'abuse, au-dessus de 100 joueurs normalement. Là, c'est 125 joueurs, au moins peut-être 125 joueurs qui devraient s'inscrire à ce tournoi-là. Donc, c'est un gros tournoi. C'est un des beaux tournois de l'année. Là, beaucoup de participants. Donc on va surveiller ça de très, très près également. Ben, Daniel Fortin, un gros merci. On s'en passe jeudi prochain. Voilà, c'était la chronique du club de golf de Boom Sisney.